pollen en bloc dans le bac dansant. Je rentre chez Wam avec des flèches dans le flanc. Je vide numéro 7, je pleure des larmes de miel. Hypocrite de merde, demande des nouvelles de maman, de quoi je me mêle. J'attends la mort, t'attends fin de semaine. Je me rappelle quand personne dans la pièce nous remarque. Je faisais pas ses tâches sur le t-shirt pour Mac. Rappeur n'a pas plus d'ambition qu'une escorte. Condé court derrière, père d'Azix, tu n'es pas. Je porte les regrets comme un bête d'ensemble. Elle veut l'argent du beurre, elle veut la garde d'enfant. Y'a de la funk sur le parking, je danse. Froid comme shoot ou comme daron qui dit pas ce qu'il pense. Sors de la glace dans une base en Alaska. Cigare, saccage des villages dans la pasta. Tout ce qui m'arrive c'est de ma faute, c'est le karma. J'allume le truc avec un œuf que je carna. J'arrive tout pâle comme Gérald de Riff. Réponds à je t'aime par barre de rire. La bouteille sous la norac. Gestuelle Schumagorat. Tu traînes avec nous pour te gaver. Me tends pas la main, je viens de me laver. Paire de Nikers sur le pavé. Pour pas grand chose, ça part en salade 4 saisons. Arrête de paver. Me tends pas la main, je viens de me laver. Paire de Nikers sur le pavé. Pour pas grand chose, ça part en salade 4 saisons. Pour pas grand chose, ça part en salade 4 saisons. C'est jamais moi qui vais commencer. Mais un coup si tu me fais 100, j'ai de faire 10 000. J'te raconte les faits, c'est même pas romancé. J'ai 16 ans, j'vois 200 kills, ça m'intimide. Téléphone qui vive, ta mère me voyait timide. Elle m'a vu me faire péter par la fenêtre sa cuisine. Plein confinement, j'voulais pas faire de route. Donc ça m'allumait le litre, on ne repue à 28 000. Si ma femme sert du thé au Condé, zinc, c'est qu'à la puce et dans le verre. Si tu ressens son somme de devoir monter, j'crois qu'il est temps de tirer dans le frère. Si tu fumes la cam, même le bois que de chante. Discret à la baraque, le daron c'est pas que je chante. Respecte la bouffe comme si c'est de la C. Si les petits ils veulent, obligés de l'acheter. Mon petit ref musclé comme un contrôle des Batman. Poto, je sais que ta mère elle veut que ton bien. Mais y'a combien de gens qui veulent que ça se passe mal. Moi je suis pas trop fond, je suis plus point du corps. Même en pleine lumière ça broie du noir. Sois bon avec les gens, ça te fera du tort. Quand le keuf t'a promis, t'aurais pas dû croire. Mes raisons de vivre, c'est mes raisons de canner. Flaque de sang devant la maison de quartier. Qu'est-ce qu'on faisait à Rotter, on visitait. C'est pas de leur faute, c'est de la mienne si ils me pètent. Je donne du souci à sa mère, je suis rechargé comme mon fils idée. Tu traînes avec nous pour te gaver. Me tends pas la main, je viens de me laver. Paire de Nikers sur le pavé. Pour pas grand chose, ça part en salade 4 saisons. Arrête de paver. Me tends pas la main, je viens de me laver. Paire de Nikers sur le pavé. Pour pas grand chose, ça part en salade 4 saisons. Chance ça part en salade 4 saisons. Pas du croire.